12. Ils adorent les gâteaux. Elle aime le chocolat. Elles ont mal dormi. Elles ont mangé tous les gâteaux. Ils enlèvent la peau des fruits. Il a bu tout le coca. Elle a perdu 10 kilos. Elles arrivent à 18 heures. Il est parti camper.